عليه وسلم عبده ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم en cette soirée du pardon, je vais voir quelle date on est aujourd'hui, du 19 Sha'ban 1428 بإذن الله عز وجل. C'est-à-dire le 1er septembre, le 1er septembre 2007. On avait commencé la fois passée à parler sur les règles du jeûne. Et avant de rentrer dans le nouveau, on va vite réviser très vite. On avait dit quoi? On avait dit que les piliers du jeûne, c'est d'abord quoi? C'est d'abord l'intention. Et ensuite, c'est le fait de s'éloigner des choses qui annulent le jeûne. On avait dit que l'intention, c'était au niveau du cœur, et que dire que je vais faire carême comme ça, et le prononcer, ça rentre dans les innovations, et ceux qui nous ont précédé, les salafs salafs, ne l'ont jamais dit, naam, et encore moins le prophète, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, naam. Ensuite, on avait dit qu'il était possible de faire une seule fois l'intention pour tout le mois. Naam, une seule fois on fait l'intention dans le cœur pour tout le mois, comme ça on n'est pas obligé à chaque soir de placer l'intention dans le cœur. D'ailleurs, on avait dit que le deuxième pilier, c'était de s'éloigner de tout ce qui annule le jeûne du fajr, naam, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher du Seigneur. Pourquoi on ajoute avec l'intention de se rapprocher du Seigneur? Car il est possible qu'on ne mange pas du matin au soir, mais pas avec l'intention de l'adoration, mais avec l'intention, par exemple, de se sentir en meilleure santé. Car des fois, quand on ne mange pas, surtout si on a certaines maladies, le fait de ne pas manger, ça nous donne une meilleure santé. Ensuite, on avait dit que c'était bien d'apprendre et d'entraîner celui qui n'est pas pubère. C'est bien de lui apprendre à jeûner et de l'entraîner comme ça jeûne à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ce n'est pas obligé qu'on lui fasse jeûner tout le mois, parce que ce n'est pas obligé pour lui. Naam, il n'est pas encore pubère. Mais c'est bien de l'entraîner à cela, comme faisaient nos vieux prédécesseurs, comme dans le hadith de la compagnonne qu'Allah l'agré, Rubayya bint Muawid, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit, on faisait le jeûne de Ashura, et on faisait jeûner nos enfants. On faisait jeûner nos enfants, et on leur fabriquait le jouet avec de la laine. Donc le jouet existait bien auparavant. Naam. On leur fabriquait jouet avec de la laine. فَإِذَا بَكَ أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ إِيَّهُ. Si quelqu'un, l'un des enfants, commence à pleurer à cause du manger, on lui donne le jouet. On lui donne le jouet jusqu'à ce qu'il oublie. Elle a dit حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْفِطْرِ. Jusqu'à ce que ça soit le moment de manger. Jusqu'à ce que ça soit le moment de manger. D'accord. On avait vu aussi très vite, et c'est la dernière chose, que pour que quelqu'un, yani, le jeûne soit accepté de lui, il faut qu'il remplisse au moins 5 conditions. Il faut qu'il soit musulman. C'est-à-dire, s'il est mécréant, il se fatigue, s'il va quoi? S'il va jeûner. Mais il faut que d'abord, il rentre dans l'islam. Non, c'est la première condition. On avait parlé du kafir, que lui aussi, il devait faire cela. Bon, c'est pas la peine d'y revenir. On avait dit pourquoi. Radical kafir, c'est exactement comme le musulman qui est en état d'impureté et qui a besoin de lavage majeur. Naam. Le musulman qui est en état d'impureté ne peut pas faire la salate. Mais on lui dit, tu vas faire le lavage majeur et tu commences la salate. La même chose qu'on dit au mécréant, on lui dit, tu rentres en islam et tu commences, inshallah ta'ala, à jeûner et à faire toutes les obligations. Car si Allah subhanahu wa ta'ala châtie le musulman, le croyant, s'il ne fait pas les obligations, pourquoi alors ne châtirait-il pas le mécréant? Naam, c'est par prédominance. Naam, par imbabin aula, par prédominance. Naam, on avait cité des versets qui montrent que le kafir, s'il ne fait pas les obligations, ou bien s'il fait les choses qui sont interdites, qu'il sera châtié en plus du châtiment de la mécréance. Comme a dit Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Et les mécréants, on leur a rajouté un châtiment sur le châtiment. C'est-à-dire, sur le châtiment de la mécréance, on leur a rajouté le châtiment de n'avoir pas fait les obligations ou bien d'avoir fait les interdits. Tayyib. Maintenant, naam. Donc, musulman, aql, quelqu'un qui a la raison, car un fou, ce n'est pas la peine qu'il fasse le jeûne, ni qu'il fasse la prière, parce qu'elle ne sera pas acceptée. Du fait qu'il ne raisonne pas. Et les choses qu'il fait, il n'entend pas par là adorer Allah, adorer le Seigneur. Mais il les fait comme ça, sans savoir ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que ce n'est pas accepté de lui. Et, là, une parenthèse très vite, on avait dit, mais si le fou, s'il fait quelque chose qui fait mal à autrui, celui-là, il doit, inshallah ta'ala, il doit payer, yani payer sa faute, non pas en le frappant, en l'emprisonnant, mais si c'est quelque chose de matériel et de pécunier, c'est-à-dire qui a un rapport avec de l'argent. S'il a cassé quelque chose, il doit la rembourser. Naam, c'est son tuteur qui rembourse. Ensuite, on a dit balir, quelqu'un qui n'a pas atteint la puberté, ce n'est pas obligé pour lui qu'il fasse le carême, mais il le fait seulement pour s'entraîner. On avait dit que le garçon avait trois signes qui montrent la puberté, et la fille quatre signes. Ensuite, on a dit sahih, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit malade. Il ne faut pas qu'il soit malade. Alors, le malade, s'il ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il fait? Il mange et après il rattrape. Maintenant, s'il est atteint d'une maladie qui ne se guérit pas, il mange et après qu'est-ce qu'il fait? Et après il nourrit pour chaque jour un pauvre. Al-Muqim, dernière condition, il faut qu'il ne soit pas quoi? Qu'il ne soit pas, comment on dit ça? Attendez, voyageur. Non, il faut qu'il soit dans son pays. Maintenant, s'il est en voyage, il a le droit de manger et c'est à lui de choisir. S'il mange, il rattrape après. Et s'il veut faire le siyam, il peut le faire. Non, les deux sont valables. On avait montré que jeûner était mieux et on avait donné les dalils. Et une chose pour les femmes, il faudrait que la femme, pour qu'elle fasse le jeûne, il ne faut pas qu'elle soit avec les règles ou avec les logis. Il faut qu'elle soit pure de ces deux choses. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va commencer avec le titre. Quels sont les gens qui leur est permis de ne pas jeûner, et en même temps, s'ils ne jeûnent pas, ils ne rattrapent pas, mais par contre, nourrissent un pauvre pour chaque jour manger. Très important. Naam, musulman, aql, balir, sahih, muqim, sédentaire. Pur pour la femme. Jazakallahu khayran. Écoutez bien le titre. Quels sont ceux à qui il est permis de manger, et encore, s'ils mangent, ils ne sont pas obligés de rattraper. Mais ils doivent seulement quoi? Ils doivent seulement nourrir un pauvre à la place du jour qui a été mangé. Naam. Tayyib. Yurakhasu al-fitru li shaykh al-kabir. Il est permis à quelqu'un qui est vieux, qui a atteint un certain âge de vieillesse, et qu'il voit qu'il ne peut plus, jeûner, il lui est permis de manger, lui et al-mar'atu al-ajouz, lui et la vieille. Donc, Les premiers, ce sont qui? Le vieux et la vieille. Le vieux et la vieille, il leur est permis de manger et de rattraper, pardon, de manger et de payer, c'est-à-dire la fidia, c'est-à-dire faire nourrir un pauvre pour chaque jour qu'ils ont mangé. Qui c'est le vieux et la vieille? Ce sont le vieux et la vieille qui ne peuvent plus jeûner car c'est difficile pour eux. C'est pour ça que cela dépend de la personne elle-même. On peut trouver quelqu'un qui a 70 ans, on dit de lui qu'il est vieux, c'est un vieux, puisqu'il a 70 ans, c'est que c'est un vieux. Mais c'est un sportif. Subhanallah. Quand tu le vois, il ne fait pas 70 ans. Il fait le footing, il monte à cheval. Donc celui-là, il peut jeûner. Il ne va pas dire je suis vieux, donc j'ai quoi? J'ai la permission. Parce que le hadith a dit vieux et moi je suis vieux. On dit non. Le vieux, qui ne peut pas? Mais toi, mashallah, tu peux. Tu fais le footing et tu fais l'équitation. Mashallah, alik. On est en train de parler du vieux qui, ce qui ne peut pas, il tremble, il marche avec la canne, etc. Donc cela revient à qui? Cela revient à la personne elle-même. C'est le vieux et la vieille, donc il leur est permis de manger, et ils ne rattrapent pas, mais ils payent. C'est-à-dire ils nourrissent un pauvre pour chaque jour manger. Deuxièmement, donc premièrement le vieux et la vieille. Deuxièmement, al maridu alladhi la yurja bur'u. Naam, c'est-à-dire, il a dit c'est le marid, il fallait dire le marad, afdal. Al maradu, mais c'est écrit le marid, al maradu, alladhi la yurja bur'u. Ou al maridu, alladhi la yurji bur'u. Donc, le malade, vous savez, le malade qui, il n'espère pas sa guérison. Naam, la maladie, se divise en, disons, deux sortes. Il y a une maladie qui se guérit, qui se soigne, disons. Et il y a une maladie, même si on la soigne, elle ne guérit pas. Ou du moins, jusqu'à présent, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelle est sa guérison. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a bien montré que Allah Ta'ala n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il n'ait fait descendre son médicament. Mais jusqu'à présent, il y a des maladies, ils n'ont pas encore trouvé leur médicament. Comme par exemple le diabète et le cancer et le sida et j'en passe. Allah subhanahu wa ta'ala l'avia. Donc, le malade qui sait qu'il est atteint d'une maladie qui ne se guérit pas, une maladie chronique, naam, jazakillahu khayran, une maladie chronique, comme par exemple le diabétique de nos jours, celui-là, il peut ne pas jeûner et rattraper, pardon, je dis rattraper, il peut ne pas jeûner et nourrir un pauvre pour chaque jour manger. C'est pour ça que le diabétique, qu'est-ce qu'il doit faire pendant le ramadan? Il essaye, juste quelques heures. S'il voit qu'il peut terminer, il termine, il n'a pas de problème. Mais si le médecin lui a prescrit que toutes les 3 heures, il doit manger, car le diabétique, comme vous devez le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, doit manger toutes les 2 ou 3 heures, et je crois même boire. Non, sinon il a vraiment mal. C'est très difficile pour lui qu'il jeûne toute la journée. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger, et après, inshallah ta'ala, ou bien s'il veut le même jour, il nourrit un pauvre. Non, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander aussi comment qu'on fait pour nourrir, c'est-à-dire est-ce qu'on nourrit le même jour ou après le ramadan? On est libre, si on veut. Chaque jour qu'on mange, le soir, on fait venir quelqu'un pour qu'il mange avec nous, ou bien on lui paye au restaurant, ou bien on lui donne un couffin avec un peu de viande, un peu de riz, etc. Ou bien, on laisse jusqu'à la fin. Quand le ramadan se termine, une semaine après, ou un mois, ou 2 mois, comme on veut, muhim, avant l'autre ramadan, qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à nourrir. Donc on est libre, inshallah ta'ala. Premièrement, j'avais dit qui? Le vieux et la vieille. Deuxièmement, le malade qui est atteint d'une maladie chronique. Troisièmement, ashabul a'mal ash-shaqa alladhina la yajiduna mutas'an min rizq ghayra ma yuzawilunahu min a'mal. Troisièmement, rentre qui aussi dans l'exception? Ceux qui travaillent dans des travaux difficiles. et qui n'ont pas trouvé d'autre travail. Il y a des gens qui travaillent dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Je citerai par exemple le mineur qui travaille dans la mine, subhanallah. Il travaille sous la terre. Je ne sais pas combien qu'il descend sous la terre. Il est là-bas du matin au soir. C'est vraiment difficile, je ne sais pas, 12 heures, je ne sais pas combien. C'est vraiment difficile pour lui de faire le jeûne. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va manger et il va nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il a mangé. Mais vous remarquez, ils ont dit ici, Rayrama, la yajiduna mutasa'amis, Rayrama yuzawiluna min amal. C'est-à-dire que il n'a que cette solution. Mais s'il trouve un autre travail qui est moins difficile, même si ce travail ne fait pas rentrer beaucoup d'argent, il doit aller vers l'autre travail. Pourquoi? À cause de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus importante que l'argent. Non, qui est plus importante que l'argent. Tayyib, autre chose. Non, on va ajouter. Donc je répète, c'est sans qui? Le vieux, la vieille, le malade chronique et ceux qui travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Naam. Il y a autre chose aussi que je voulais dire ici. Naam. Rentre aussi dans l'exception, c'est-à-dire qu'il mange et ne rattrape pas qui? Al-hubla ou al-murdi'u. إذا لم تطيق الصوم أو خافت على أنفسهما أو أولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. Rentre dans l'exception, c'est-à-dire, je répète pour bien comprendre, qu'elle peut manger et ne pas rattraper, mais nourrir un pauvre. Qui? الحبلة, la femme qui est enceinte. والمرضع, et la femme qui allaite. Mais à condition de quoi? Si elle a peur pour elle, ou pour son enfant, ou pour les deux. C'est-à-dire, si elle a peur pour elle, elle est faible, elle ne peut plus, puisqu'elle l'allaite, elles sont vraiment faibles et elle ne peut pas. Elle veut s'évanouir, etc. Celle-là, elle mange, et quoi? Et elle nourrit après. Donc, si elle a peur pour elle, ou elle a peur pour son enfant. Non, elle a peur pour son enfant. Donc, car, comment qu'elle pourra avoir peur pour son enfant? Celle qui est enceinte, des fois, c'est-à-dire si elle ne mange pas, elle sait que lui aussi ne va pas manger, celui qui est à l'intérieur de son ventre. Donc, elle a peur pour lui qu'il lui arrive quelque chose. Et si c'est une femme qui allaite, elle a peur. Pourquoi? Elle a peur, elle se dit, quand une femme ne mange pas, elle n'a pas beaucoup de lait. Elle n'a pas beaucoup de lait dans sa poitrine. Et peut-être même elle n'a rien. Donc, elle a peur pour son enfant. Elle l'a habitué au lait de sa poitrine. Et donc elle a peur pour lui, donc elle va manger à cause de qu'elle ait du lait dans sa poitrine. Non, parce qu'elle a peur pour son enfant. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان ما كان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. خرجه الطبري وقال الشيخ الألباني اسناده صحيح على شرط مسلم. Abdullah ibn Abbas, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, très connu, Jalil, a dit, si la femme qui est enceinte a peur d'elle-même, et si celle qui allait a peur pour son enfant, au mois de Ramadan, elles mangent, les deux, elles mangent, et elles font nourrir pour chaque jour manger un pauvre, et elles ne rattrapent pas. Naam. Et ce hadith, et Cheikh Al-Albani a cité, bien sûr ce hadith sahih, a cité dans Irwa Al-Ghalil, tome 4, page 19, an Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma toujours, annahu ra'a umma walad. Il a vu une femme, umma walad, c'est une femme, qu'on rattrape du butin. Il a vu une femme, à lui, naam, lahu, hamilan. Hamilan, c'est-à-dire enceinte. Ou mordéan, il a dit je ne me rappelle pas. Ou bien elle était, elle l'a l'été. il lui a dit anti bi manzilat alladhi la yutiq alayka an tut'imi ma kana kull yawm miskinan wa la qada'alik. Il lui a dit toi tu rentres dans ceux qui ne peuvent pas jeûner, donc tu manges et tu nourris pour chaque jour un pauvre Naam. Cheikh Al-Albani a ajouté ان هذا اذا خافت على نفسها. Ça c'est dans le cas où elle a peur. Qu'est-ce que ça veut dire la peur? Je reprends. Des fois, une femme qui est enceinte, elle n'a pas peur, ni pour elle, ni pour son bébé. Elle se sent très bien, très forte, aucune fatigue, mashallah, surtout peut-être les premiers mois. Enfin, les premiers mois, c'est un peu difficile. Au milieu. Les premiers mois, c'est les vomissements, etc. Au milieu. Naam. C'est pour ça que, je vous ai dit, il faut, comme condition, il faut quoi? Il faut qu'elle ait peur. Naam, il faut qu'elle ait peur. Quand une femme qui est allaite ou qui est enceinte n'a pas peur, elle doit quoi? Elle doit jeûner. Donc, il faudrait bien que les sœurs et les akhawat sachent que ce n'est pas une permission comme ça, yani générale. C'est une permission seulement pour celle qui a peur. Naam, pour elle ou pour son bébé. Naam. Autre chose. Maintenant, qui lui est permis de manger, mais il doit rattraper. Taïb, on avait parlé de ceux qui ne rattrapent pas et qui nourrissent. Maintenant, on va parler de ceux qui peuvent manger, mais ils doivent rattraper. Premièrement, qui? Le malade qui est atteint d'une maladie qui n'est pas chronique. Le malade qui est atteint d'une maladie qui n'est pas chronique. Par exemple, une personne, pendant le ramadan, est atteinte d'une maladie au point, par exemple, où elles sont vraiment faibles, elles vomissent, etc. Elle a envie d'être alitée, etc. Elle est tombée malade. Cette personne est tombée malade. Mais, est-elle tombée malade d'une maladie chronique? Non. Cette maladie va passer. Un jour, deux jours, trois jours, une heure, une demi-heure, ça va passer. Donc, si elle ne peut plus tenir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Et après avoir mangé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rattraper le jour. Elle ne va pas dire, je vais nourrir un pauvre. Après le ramadan, je vais nourrir un pauvre. On lui dit, tu ne rentres pas dans les exceptés. Tu ne rentres pas dans ceux qui ont été exceptés. Parce que ta maladie est guérissable. Et tu n'es pas atteint d'une maladie chronique. Ne peut nourrir que celui qui est atteint d'une maladie chronique. Alors que toi, tu es atteint d'une maladie qui se guérit. Naam. Il faut bien faire attention à cette chose. Car beaucoup croient que je suis malade, je mange et je fais manger quelqu'un, et je fais nourrir. Ce n'est pas comme ça. Ne peut nourrir que le malade qui est atteint d'une maladie chronique. Naam. Et deuxièmement, qui aussi lui est-il permis de manger, mais il doit rattraper? Qui? Al-Musafir, le voyageur. Naam. Hadjar, de temps en temps, Hadjar, tu es là, écris numéro 1, tu es là. Naam, pour ceux qui n'ont pas le point rouge, de temps en temps, ils m'écrivent numéro 1 pour que je sache que vous êtes avec moi. Naam. Alhamdulillah. Et ceux qui peuvent de temps en temps résumer le Moussafer, le voyageur X, Y, X, voilà, des 5 Hadouda, il fait comme a fait Hadjar tout à l'heure. Je disais, maintenant c'est qui? C'est le voyageur. Le voyageur, il peut manger, mais à condition de quoi? À condition de rattraper. Jamais le voyageur ne peut nourrir. Jamais le voyageur ne va dire, je vais manger, je vais nourrir. On lui dit, tu es un voyageur, tu manges si tu veux, tu es libre, mais à condition de rattraper. C'est une condition essentielle. Naam. An Anas ibn Malik, le grand compagnon qui a travaillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 10 années, Anas ibn Malik, il est très connu. Sa mère s'appelle Umm Sulaym, son père Abu Talha. Sa mère, déjà très petit, quand il était petit, elle l'a emmené chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit pour qu'il se travaille. Il est resté 10 ans à travailler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dit la phrase célèbre. Il a dit, j'ai travaillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Jamais je l'ai entendu dire pour quelqu'un qui a fait une chose, pourquoi tu fais cette chose, ni pour quelqu'un qui ne l'a pas faite, pourquoi ne l'as-tu pas faite. Naam. طيب. Qu'est-ce qu'il a dit Anas ibn Malik radiyallahu anhu? أنه ضعف عن الصوم عاما. Une certaine année, pendant le Ramadan, ce compagnon, Jalil radiyallahu ta'ala anhu, n'a pas pu faire le siyam. Je vous rappelle que ce compagnon Jalil a beaucoup beaucoup vécu. C'est l'un des derniers. Naam. Beaucoup disent c'est lui le dernier, mais ce n'est pas vrai, c'est l'un des derniers. Si c'est lui le dernier à Médine. Mais en général, c'est pas lui le dernier. Mais il a dépassé 100 et quelques années et il avait plus de 90 ou la 100 et les petits enfants. Naam. D'après le doua que lui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Une certaine année, il n'a pas pu jeûner pendant tout le mois. Pendant tout le mois, il n'a pas jeûné le Ramadan. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, Oum Souleymane ou la Oum Adjoub ou la Qasi Salaf, vous me dites qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire celui-là? Il n'a pas pu faire le Ramadan et il a mangé tout le mois. Vous me dites s'il doit rattraper ou s'il ne rattrape pas ou s'il doit nourrir. J'attends, Inch'Allah, votre réponse. Pour voir que vous suiviez, Inch'Allah Ta'ala. Qasi Salaf, tafadhal. Tayyib, cette Qasi Salaf n'est pas là et on risque de perdre beaucoup de temps. Répétez. Oum Souleymane, laisse Inch'Allah, c'est trop tard. Le prochain sou'al, Inch'Allah. Tayyib, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle, puisqu'elle a mangé, elle était faible, alors elle doit nourrir. Elle doit nourrir. C'est-à-dire, pour chaque jour mangé, elle doit faire manger un pauvre. Elle doit faire manger un pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce compagnon Jalil, qu'est-ce qu'il a fait? Fasana'a jafnata tharid wa da'a 30 miskinan fa ashba'ahum. Il a ramené comme ça une grande marmite et il l'a rempli de pain et de viande. Enfin, du pain, c'est pas comme notre pain. Le pain un peu mouillé. Ça s'appelle tharid. Mouillé comme ça, comme rishta, si vous connaissez rishta. Et plein de viande, et il a invité 30 personnes. Il a invité 30 personnes, ils ont mangé jusqu'à leur faim. Pourquoi il a invité 30? Parce qu'il a mangé 30 jours. Naam. S'il voulait, s'il avait voulu, il aurait invité 10. Ensuite, par exemple, le lendemain 10, et comme ça 10. Mais lui, il a voulu faire les 30 à la fois. C'est mieux, premièrement, pour être sûr. On ne sait jamais si je ne vais pas vivre d'ici demain. Et deuxièmement, si j'ai assez d'argent et j'ai assez d'espace dans ma maison, je les invite tous à la fois, au lieu de à chaque fois chercher les pauvres, chercher peu. Je les cherche tous le premier jour et ça me suffit. Non. Mais ce n'est pas obligé. On peut faire manger un pauvre aujourd'hui, le deuxième dans une semaine, le troisième dans un mois, le quatrième dans 4 mois, et comme ça. L'essentiel, c'est que je les nourrisse avant le Ramadan qui va venir. C'est ça l'essentiel. Le plus important, c'est qu'ils doivent être nourris avant que ne vienne le prochain Ramadan. Taïb, autre chose, la même chose. C'est-à-dire, il peut manger ou boire à condition de rattraper. Qui? Celui qui a été pris d'une faim ou d'une soif au point où, s'il ne mange pas ou s'il ne boit pas, il risque vraiment de gros problèmes pour sa santé. Non. Celui qui a été pris d'une faim ou bien d'une soif qui dépasse les limites. Au point où quoi? S'il ne mange pas ou ne boit pas, il va tomber malade ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va lui passer. Non. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il doit rattraper. subhanallah l'adim, il n'y a aucune chose difficile en islam. Aucune chose difficile. Mais, ce qui est malheureux, c'est les extrêmes. C'est quoi les extrêmes? Les extrêmes, c'est que certains ont juste une petite soif, ou bien juste une petite faim. Ils vont dire, moi je vais manger. Ah, moi je peux pas, je mange. Allez, je mange. Comme ça, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste une petite soif, une petite faim. Ils mangent. Et d'autres, les extrémistes aussi, c'est qui? Ils meurent de faim. Ils meurent de soif. Ils n'ont plus de salive. Ils tombent évanouis et ils ne veulent pas manger. Ils disent, non, c'est haram. Non, c'est haram, ça se fait pas. Non, c'est haram. Et peut-être qu'il va tomber dans le coma. Peut-être qu'il va tomber dans le coma. Et il ne sait pas que le haram, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est ça le haram. C'est lorsqu'il ne veut pas boire et lorsqu'il ne veut pas manger, alors qu'il risque de tomber dans le coma ou il risque de mourir. Et il ne veut pas manger. C'est ça le haram. Car Allah Ta'ala dit, « وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » Allah Ta'ala dit, « Ne vous tuez pas. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas. » Et celui-là, il veut se tuer. Il y a toujours des extrémistes. Il y a toujours des extrémistes. Là, est-ce qu'il y a autre chose ici? Non. Al-Akhlas, on en a déjà parlé. Maintenant, le voyageur. Quelqu'un qui est en voyage, on avait dit qu'il choisissait. S'il voulait manger, il mange. S'il voulait boire, il boit. Mais, on avait dit, si vous vous rappelez bien, on avait dit que le voyageur peut jeûner, encore c'est mieux de jeûner, à condition que ça ne lui fasse pas mal. Mais que tout voyageur qui ne supporte pas le jeûne et va jeûner, celui-là il a quoi? Celui-là, il a des péchés. Naam. Oulaïk al-Osat, oulaïk al-Osat, ce sont ceux-là les pécheurs, ce sont ceux-là les pécheurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, laysa min birr siyam fi safar. Il a dit, ce n'est pas de la piété de jeûner dans en plein voyage. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un évanoui et les gens autour de lui en train de le réveiller et de lui jeter de l'eau sur son visage. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont dit, il a jeûné. Il a dit, laysa min birr siyam fi safar. C'est pas de la piété de jeûner quand on voyage. Donc le hadith, c'est pas de la piété de jeûner quand on voyage, il s'applique à qui? Il s'applique à celui qui a mal, qui peut pas jeûner, qui tombe, qui s'évanouit. Celui-là, il doit manger. Mais si quelqu'un est fort, mashallah, il ne ressent aucun mal, celui-là, il est libre. S'il veut manger, manger. S'il veut jeûner, jeûner. Al-Muhim, on est en train de parler maintenant. Supposons que quelqu'un va voyager demain. Supposons que demain, moi qui suis ici, je vais dire, demain je vais, inshallah ta'ala, prendre l'avion pour l'Algérie. Là, je vais prendre l'avion pour l'Algérie. Maintenant, demain c'est Ramadan. Supposons que nous sommes en plein mois de Ramadan. Donc demain c'est aussi Ramadan et je vais voyager. Je sais que j'ai voyagé. Et j'ai dans l'intention que demain je mangerai. Là. Alors, quand est-ce que j'ai le droit de manger? Quand est-ce que j'ai le droit de manger? Ici, il y a deux choses très importantes. Il faut bien les comprendre. Rassissel, écrit numéro 1. La première des choses, c'est quoi? La première des choses, c'est que toute personne qui va voyager le lendemain et qui a l'intention de manger, la première des choses très importantes à ne pas oublier, c'est qu'elle doit mettre dans l'intention qu'elle va jeûner pour le lendemain. Très important. C'est interdit de dire la nuit, là, demain je vais manger. Là, j'ai pas l'intention de jeûner. C'est interdit. Tu mets dans l'intention que demain c'est Ramadan, tu vas jeûner. Maintenant, si après, quand tu montes sur l'avion ou dans ta voiture, tu veux manger, tu es libre. À condition quoi? D'avoir mis la veille l'intention de jeûner. Non, c'est très important. On est en plein Ramadan. Deuxièmement, je me suis levé le matin. Là, je me suis levé, il est 7h du matin, 8h du matin. Quand est-ce que j'ai le droit de commencer à manger? Est-ce que c'est comme le voyage? Est-ce que c'est comme le raccourci de la salate? Quand on voyage, on veut raccourcir la salate. Où est-ce que ça commence? Est-ce que je peux raccourcir à la maison? Je suis toujours à la maison. je vais faire le dhuhr 2, ben le asr 2, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sorte de la ville. Il faut que je sorte de la ville pour que je puisse commencer à raccourcir ma salat. Maintenant, comment savoir que je suis sorti de ma ville? Maintenant, il y a des plaques. Il y a des plaques. Quand tu arrives à une ville, avant d'arriver, à quelques 100 mètres, là, c'est écrit Blida. Ou des fois, c'est écrit la ville des roses, Blida, vous souhaite bienvenue. Ou alors, qu'est-ce qu'il dit? Un frère dit, vous êtes trompé, Abou Talha al-Ansari, n'est pas le père de Anas ibn Malik. Abou Talha al-Ansari n'est pas le père. Qui a dit que j'ai dit que c'était son père? Si j'ai dit que c'était son père, je me suis trompé. J'ai dit Um Sulaym, c'est sa mère. Et Abou Talha, c'est son mari. C'est le mari de Anas. Naam. Pardon, je dis, c'est le mari de Um Sulaym. C'est ce que j'ai voulu dire. Si j'ai dit autre chose, je me suis trompé. Naam. Car Anas, radiallahu ta'ala anhu, ce n'est pas son père, le mari de Um Sulaym. Naam, ce n'est pas son père. Et si je ne me trompe pas, c'est son frère. C'est son frère. Car son père est mort bien avant. Donc je voulais dire que Abou Talha, c'est le mari de la mère de Anas, de Um Sulaym. Naam. Jazakallahu khayran pour celui qui m'a guidé, si je me suis trompé. Et il y a à peu près deux dars passés, je parlais du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait plusieurs fois mis la fille de sa fille Zaynab radiallahu anha a une fille, il la mettait sur ses épaules et faisait la prière avec, vous vous souvenez? Mais quand j'ai cherché son prénom, je ne l'ai pas trouvé. Alors j'ai dit, si je me rappelle bien, j'ai dit un prénom, attendez, j'ai dit Habiba, je crois que j'ai dit Habiba. Ensuite, j'ai dit Habiba. Ensuite, quand j'ai éteint le micro et je suis allé m'endormir, je me suis rappelé, j'ai dit Subhanallah, c'est Umayma bint Zainab. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Habiba et personne ne m'a corrigé. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose, je dis un mot ou là, un nom à la place de l'autre, il est obligé que vous me corrigiez. Car beaucoup de gens peut-être sont en train d'écouter et ils vont apprendre la chose alors que ce n'est pas comme ça. Naam, jazakumullahu khayran. Exactement où est-ce que j'étais? Naam. Donc, des fois la ville, comment on connaît la ville? On connaît avec la plaque. Umayma, c'est ça, naam. Umayma bint Zainab. Et moi j'avais dit Habiba. Naam. Donc, des fois vous trouvez par exemple une plaque. La ville de X vous souhaite la bienvenue. La ville de X vous souhaite quoi? Vous souhaite bon voyage. Ça veut dire qu'on est sorti de la ville. On est sorti de la ville. Là, on peut commencer à sortir. Omar, je crois que c'est bien tel que vous avez cité la dernière fois. Voilà, je ne me rappelle pas très bien. Non, maintenant, pour le siyam, est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit commencer à manger quand on quitte la ville? Ou bien il y a une autre sunna? Ou bien il y a une sunna? Réponse, il y a une autre sunna. C'est pas comme la sunna. Pas la sunna. La sunna, on a le droit de commencer à manger quand on monte. C'est-à-dire, si dans la maison et dehors, devant la porte, dès que je monte dans ma voiture, je peux déjà commencer à manger. Naam. Est-ce que vous entendez? Est-ce que d'après vous ça se coupe? Comme Souleymane dit que ça se coupe. Est-ce que ça se coupe chez vous? Ou bien parce que moi je me tente de temps en temps? Naam. Parce que moi de temps en temps, je ne suis pas en train de parler. Naam. Donc le son est bien, Inch'Allah Ta'ala. Donc quand quelqu'un est en voyage, il lui est permis de commencer à manger quand il monte sur sa monture. Quand il monte sur sa monture, de nos jours, quand il monte, disons, sur sa voiture. C'est pas la peine qu'il quitte la ville. Ça ne ressemble pas à la salat. Et il n'y a pas d'analogie, de qiyas entre la salat et quoi? Et le siyam. Quel est le dalil? An Muhammad ibn Ka'b, annahu qal, ataytu Anas ibn Malik fi Ramadan. Quelqu'un a dit, j'ai été voir Anas, radiallahu ta'ala, fi Ramadan. Wa huwa yuridu safaran. Alors que Anas, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voyager. وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَحِلَتُهُ On lui a préparé sa monture. On lui a préparé sa monture. وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ Et ce compagnon avait déjà mis quoi? Les habits du voyage. Hein? Quand on voyage, on a les habits spéciaux. Surtout autrefois quand c'est sur les montures, sur les chevaux, etc. Nam. Sûrement que c'est difficile, peut-être avec un khamis. Nam. فَدَعَ بِطَعَامٍ فَأَكَلْ Ensuite, Anas radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à manger. Ta'am. On lui a ramené, il a mangé. فَقُلْتُ لَهُ سُنَّ Ici, Mohamed ibn Ka'b radiallahu ta'ala a demandé à Anas. Il lui a dit sunna, yani, c'est sunna de manger comme ça quand on est sur sa monture avant de partir. Il a dit sunna, summa rakaba. Il a dit sunna, oui, c'est sunna. Ensuite, il est monté sur sa monture. Donc, la sunna, c'est quoi? La sunna, c'est que lorsqu'on monte sur sa monture, on commence déjà à manger. Certains ulama ont dit que on peut même manger déjà quand on est à la maison avant de sortir. Quand on est à la maison avant de sortir. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, le mieux serait de s'arrêter à ce qu'a dit Anas ibn Malik. Anas ibn Malik a mangé sur la monture et pas dans la maison. Et il a dit sunnah. Il a dit sunnah quand on arrive sur la monture et on mange. Naam. Peut-être certains vont dire quelle est la différence entre manger sur la monture et manger quand on est à la maison. C'est seulement quelques pas. On va dire c'est très difficile de faire l'analogie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous Yannick qu'on peut pas comment dire qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui pourrait changer le jugement. On n'est pas des ulama pour faire un qiyas. C'est pour ça qu'on dit peut-être que le fait d'être à la maison, on n'est pas encore voyageur. Je suis à la maison, je suis chez moi, je suis pas voyageur, même si j'ai l'intention dans le cœur. Mais maintenant déjà sorti et je me suis mis sur le cheval, c'est déjà une preuve, et j'ai changé des habits, c'est déjà une grande preuve que je suis voyageur. Donc, ceux qui ont dit qu'il peut manger à la maison, je dis que ce sont des ulama qui ont dit ça, ils ont fait un ijtihad, Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera. Celui qui veut prendre de cet avis, qu'il prenne. Moi, je prends de l'avis de Anas qui a dit sunnah quand on est sur la monture. On n'a pas dit quand on est dans la maison. Naam. طيب, on va passer à autre chose. Naam, celui qui a dit il mange dans la maison, c'est qui? Hassan al-Basri, radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit yuftiru in sha'a fi baytih. Il mange s'il veut dans la maison. Yawma yurid an yakhruj. S'il veut sortir. Dakarahu al-Qurtubi fi tafsirih. Tome 2, page 279. Page 279. Et on va passer à autre chose. لا يجوز للحائض أو النفساء أن تصوم ويجب عليهم القضاء. نعم. Il est interdit à une femme qui a les règles ou bien à celle qui a les louchis de jeûner. Et bien sûr, elles doivent rattraper. Jamais elles ne disent on va nourrir. Nam. J'ai les règles, je mange après je vais nourrir. Ce n'est pas accepté parce que les règles c'est pas une maladie. Encore moins c'est pas une maladie chronique. Donc on doit Yani manger, on doit manger, hein, c'est pas on choisit. On doit manger, et ensuite on doit rattraper. Et si jamais une femme qui a des dettes dues aux règles, et elle ne les a pas encore rattrapées jusqu'au prochain Ramadan, elle aura des péchés. Non, parce que il faut qu'elle les rattrape avant l'autre Ramadan. Comme a dit Aïcha radiallahu ta'ala anha, kana yakunu alayhi siyam Ramadan. Elle a qdiyah illa fi sha'ban. Elle a dit j'avais des dettes du Ramadan, des dettes à cause des monstrues. Je ne les rattrapais que au mois de sha'ban. C'est-à-dire juste avant l'autre Ramadan. C'est pour ça que les ulama ont dit, si c'était permis, elle l'aurait alors laissé jusqu'après le deuxième Ramadan. Mais Aïcha savait que ce n'était pas permis. Que, yani, de les laisser jusqu'à l'autre ramadan. C'est pour ça qu'elle l'a laissé à la fin. La limite c'est quoi? C'est le mois de Sha'ban. Comme le mois où on est maintenant. C'est le mois de Sha'ban. Maintenant, si elle ne les fait pas maintenant, khalas, ramadan va rentrer. C'est trop tard et la femme va avoir des péchés. Maintenant, certaines femmes croient, ou bien prennent de la vie que elle dit je rattrape et en même temps je fais nourrir un pauvre. Non, je dis, je l'ai déjà dit, il n'y a rien dans le Coran ou la Sunna qui prescrit que la femme, quand elle rattrape ses dettes, elle doit nourrir en même temps un pauvre, même si elle a transgressé et a fait arriver le deuxième ramadan. Non, même si elle n'a pas rattrapé avant le ramadan, et maintenant le deuxième ramadan est rentré. Après, quand elle va rattraper, elle n'est pas obligée de quoi? Elle n'est pas obligée de nourrir. Mais elle doit seulement rattraper le jour qu'elle n'a pas fait. Naam. Quels sont? Naam. Adab siyam. Je ne sais pas comment on va dire adab. Disons, quelles sont les bonnes choses qu'on doit faire pendant le siyam? Quelles sont les bonnes choses, les bonnes habitudes qu'on doit faire pendant le siyam? Premièrement, as-suhur. As-suhur. Premièrement, as-suhur. Tout le monde connaît ce que c'est as-suhur. As-suhur, c'est le fait de manger avant le adhan. Avant le adhan de Salat al-Fajr, on va manger quelque chose. Ça s'appelle as-suhur. En arabe, juste une petite... comment on dit fatha sukun, juste une petite chose comme ça, elle peut tout faire changer. Regardez, quand on dit suhur avec dhamma, ça c'est une faïda pour ceux qui apprennent l'arabe. Quand on dit suhur avec dhamma, suhur, c'est quoi? C'est le fait de manger. Naam, c'est le fait de manger. De manger, c'est-à-dire avant. Bien sûr, avant quoi? Avant le Al-Fajr. Mais quand on dit As-Sahur, au lieu de dire So, on dit Sa, avec Fetha As-Sahur, ça devient quoi? Ça devient le manger lui-même. Le manger lui-même. Naam. Et quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que, si on dit Suhur, c'est le fait que je me lève et que j'aille manger. Suhur, l'acte de manger avec O, regardez, suhur. Et quand je dis sahur, ça, sahur, c'est le manger lui-même. Donc si je veux dire à quelqu'un, par exemple, sahur, c'est le repas lui-même. Je dis à quelqu'un, je lui dis, toi c'était quoi ton sahur hier? Hier c'était quoi ton sahur? Il va me dire, mon sahur, c'était shorba, c'était ta'am, c'était, je ne sais pas quoi, c'était tchouka. Non, c'est quoi ça? C'est sahur. Mais si je lui dis, est-ce qu'hier tu t'es réveillé pour le sohor? Je lui dis pas, tu t'es réveillé pour le sahor. Tu t'es réveillé pour le sohor, so. Naam. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez, l'adaba, il a dit, tasaharu, faites quoi? Faites le sohor. Fa inna fi sohori baraka. Kharaj al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tasaharu. Faites le suhur, levez-vous pour manger. Naam. Et celui qui a écrit le livre, Hussein Al-Awaisha, qui est l'un des élèves de Cheikh Al-Albani, comme je vous ai dit, les élèves les plus proches, il a dit, Sa'altu Sheikhana. Il a dit, j'ai posé la question à Sheikhana. Sheikhana c'est qui? C'est Cheikh Al-Albani. J'ai posé la question à Sheikhana. Cheikh Al-Albani, je lui ai dit, est-ce que le suhur est obligatoire ou pas? Est-ce que le fait de se lever pour manger, c'est obligatoire ou ce n'est pas obligatoire? Il a répondu, la naqulu bil wujub. Il a répondu, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Celui qui se lève avec l'idée de l'adoration, il a des récompenses. Hein? Et celui qui ne se lève pas, il n'a pas fait de péché. Celui qui ne se lève pas, il n'a pas fait de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Faslu ma bayna siyami wa siyami ahli kitab uklatu sahar. Naam, khalaju muslim. Le fait de se lever pour manger, c'est quelque chose, yani, de, ça paraît rien. Naam, je me lève, je mange, ça paraît rien. Mais c'est yani, important au point où c'est un des signes qui fait la différence entre qui ? Entre Siyam, entre le jeûne des musulmans et le jeûne des chrétiens. Naam. Est-ce que vous avez vu un chrétien ou un juif dans votre vie, quand ils font le jeûne, est-ce que vous avez vu quelqu'un se lever par exemple une heure avant le Fajr et demander à manger ? Ils ne le font pas. Donc c'est l'un des signes qui fait quoi ? Qui nous fait différencier des kuffars. Et le fait de se différencier des kuffars est très demandé. C'est très demandé de ne pas se ressembler au kuffar. C'est pour ça que il est aussi demandé de se lever pour manger. Naam. Taïeb, autre chose. Taïeb, moi quand je cherchais le mot adab siyam, en fait je cherchais les mérites du siyam. Naam, je cherchais des mérites. Parce que même ici en disant adab, vous voulez dire les mérites. Naam. Taïeb, voilà autre chose. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين. Regardez le deuxième mérite. Pour celui qui fait quoi? Qui fait le suhoor. Qu'est-ce qu'il a comme mérite? Il a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit إن الله وملائكته فوائد نعم من فوائد الصحور il a dit إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين. سبحان الله العظيم. Allah subhanahu, Allah le Seigneur, exalté soit-il, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la prière sur celui qui se lève pour suhoor. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges font la prière sur celui qui se lève pour faire le suhoor. Subhanallah al-azim. Naam. Autre chose. Il y a un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, je suis rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai trouvé en train de faire le suhoor. Il m'a dit, le prophète alayhi wa sallam m'a dit, innaha baraka, c'est une bénédiction. Suhoor hada, c'est une bénédiction, a'taakumullah iya. C'est une baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Fala tada'uh, ne le laissez pas. Ne laissez pas le suhoor. C'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ça veut dire que quiconque fait passer le suhoor, c'est-à-dire qu'il ne veut pas, ce n'est pas, il ne s'est pas réveillé, non, il ne veut pas, à chaque fois qu'il ne veut pas, il fait passer une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, il fait passer une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb, c'est un hadith sahih, bien sûr, Rajaw al-Nasa'i, wa sahih al-Nasa'i, li Sheikh al-Albani. Autre chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-baraka, la bénédiction, Fithalatha se trouve en trois choses. La bénédiction se trouve en trois choses. Fil jama'a, naam. Plus on est en groupe, plus il y a la bénédiction. Plus on est seul, il y a qui ? Il y a le shaitan. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna shaitana ma'al wahid. Le shaitan est avec celui qui est esselé. Celui qui est seul, le shaitan est avec lui. Wa huwa min ithnaini abad. Et le shaitan est loin s'ils sont deux. Et alors, s'ils sont 3, 4, 5, 6, il sera encore plus loin. Naam. Donc, il a dit, la baraka se trouve en trois choses. Fil jama'a, dans le groupe. Fil tharid, je l'ai cité tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on fait comme ça avec le pain. Le pain qu'on mouille, on le mouille. Moi, on l'a fait déjà manger ici une fois, chez des Syriens. Le pain, ce n'est pas le pain, la baguette, hein. C'est un pain comme ça, en rond, hein, une rondelle comme ça, un pain, qu'on mouille, on mouille pas avec de l'eau, on mouille avec une sauce. Hein, il y a une sauce, ensuite on commence à couper le pain très chaud, on commence à le couper, à jeter à l'intérieur de la marmite, ou bien de la grande assiette dans laquelle on va manger, et dans l'assiette il y a de la sauce, donc on jette ce pain morceau, et la sauce est pleine de quoi ? Est pleine de viande. Et alors Alors on commence, il y a des gens déjà qui ont la salive qui coule de leurs lèvres, hein? La salive qui coule de leurs lèvres, ils m'écrivent en whisper. Naam. Alors ça, on est pas en Ramadan, qu'on est ici, on était en plein Ramadan. Donc, c'est comme la churchouha, naam, c'est comme la churchouha, naam. La churchouha bsekra, de biskra. Je disais, donc la bénédiction se trouve où? Se trouve dans le groupe. Et dans le manger que je viens de citer, Sarid, et se trouve dans Sohor. Et se trouve dans Sohor. Hadith en sahih, qu'a le Cheikh Al-Albani. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala, anhuma, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Fasaharu walou bi jar'atin min al-ma'i. Ibn Khrajou ibn Hibban, ou sahih, terrible, terrible, l'Albani. Le prophète alayhi wa sallam nous a recommandé de faire sohor. Quelqu'un va dire, j'y ai pas. On n'a rien laissé à manger. Comment je vais faire? La solution, tu la donnes le prophète alayhi wa sallam très vite. Qu'est-ce qu'il a dit? Walou bi jar'atin min ma. Même si ce n'est qu'avec, yani, comment ça s'appelle, yani, une bouchée d'eau. Je sais pas si on dit une bouchée, yani, une cuillère d'eau. Hein, quand on met un peu d'eau dans la main et on la fait rentrer dans la bouche. Il a dit ça, ça peut être, ça équivaut à qui? Au sahur. Sahur, il a dit au repas. Naam. Donc, le sahur, quand on le fait, ce n'est pas obligé de manger jusqu'à sa faim. Naam, c'est bien de manger pour ne pas avoir faim le lendemain. Mais, on peut se suffire à quelques dates avec un peu d'eau, un verre de lait, n'importe quoi. L'essentiel, c'est de faire le geste. L'essentiel, c'est de faire le geste, même si on ne doit boire une gorgée d'eau. Voilà, même si on doit boire seulement une gorgée d'eau. Waqtu, quel est son moment? Naam, quand j'ai parlé des dates, quand j'ai parlé que pendant le sport, on peut manger les dates, voilà le hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni'ma sahur al-mu'min tamr. Naam, non seulement il a dit que c'est bien de manger les dates pour le sahur, mais il a dit ni'ma sahur al-mu'min tamr. Il a dit masha'Allah, yani, il n'y a pas mieux pour le repas du sahur pour le croyant comme les dates. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que c'est bien si quelqu'un, même s'il mange par exemple la chorba, il mange la chorba ou bien il mange le couscous pour le sahur, c'est bien aussi de terminer par exemple par une date. On termine par une date à cause de quoi? À cause de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que la meilleure chose c'est quoi? C'est les dates. Naam, pour le sahur. D'ailleurs, quel est son moment préférable? Son moment préférable a été cité dans le Coran lorsque Allah Azza wa Jalla a dit وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Naam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez الخيط, le fil blanc du fil noir. Le fil blanc du fil noir. Il y a un compagnon, Jalil radiallahu ta'ala anhu, un compagnon, quand il a lu ce verset, il a dit j'ai pris un fil noir et un fil blanc. Et je les ai mis sous mon coussin. Je ne sais pas si on dit coussin, la chose sur laquelle on dort, on pose sa tête. Alors il a dit, j'ai mis un fil blanc et un fil noir sous l'oreiller, naam. Jazakallahu khairan, sous l'oreiller. Quand j'ai dit coussin, j'ai eu des doutes. Ensuite il a dit, et à chaque fois, il levait comme ça l'oreiller pour voir. Est-ce que maintenant je peux voir que ce fil est noir et ce fil est blanc? Car Allah Ta'ala a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir. Ensuite, le lendemain, quand il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, bien sûr, il a ri. Subhanallah al-Azim. Et il lui a appris que quoi? Que le fil noir et le fil blanc, c'est de la nuit. Naam. Le fil noir de la nuit et le fil blanc du jour, le jour qui commence à se lever. Et ce n'est pas quoi? Et ce n'est pas le fil qu'on prend, le fil à coudre. Ce n'est pas le fil à coudre. C'est pour ça qu'il y a un deuxième compagnon radiallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Sa'd ibn Sa'd, qui a raconté que certains compagnons, quand ils ont lu ce verset, eux aussi ont pris des fils noirs et des fils blancs. Mais au lieu de les mettre sous les oreillers, certains d'entre eux les attachaient sur leurs orteils, sur leurs pieds. Il est comme ça en train de dormir, allongé, et de temps en temps, il lève un peu la tête pour voir. Attends, est-ce que je peux voir où est le noir, où est le fil blanc? Il peut pas voir, il se recouche. Et comme ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset qui dit quoi? Min al-fajr. C'est-à-dire auparavant, c'était buvez et mangez jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir. C'était ça. Ici, s'arrêtait le verset. Quand ils ont fait cette faute, Allah ta'ala a fait descendre du fil blanc jusqu'à ce que vous discerniez le fil blanc du fil noir, min al-fajr. De al-fajr. Et non pas des fils avec lesquels on coud. Non, c'est pas des fils à coudre. Mais le fil qui se trouve dans le ciel. Le fil blanc qui va sortir comme ça pour séparer le jour de la nuit. Naam. Donc, quel est le meilleur moment? Le meilleur moment, c'est de laisser le suhoor jusqu'à la fin. Le meilleur moment, c'est de laisser le suhoor jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Et, naam, je vais vous citer, si vous voulez, quelques hadiths. Je vais aller très vite. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna bilal an yu'adhinu billayl, il a dit, bilal, radiallahu ta'ala anhu, fait le adhan la nuit. Fakulu shrabu. Mangez et buvez, hatta yu'adhin ibn ummi maktoum. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez le adhan de ibn ummi maktoum, et non pas de bilal. Naam. Parce que ibn ummi maktoum, il faisait le adhan quand le fajr rentrait. Et puisqu'il était aveugle, les gens venaient et lui disaient, ça y est, on voit le jour, va faire le adhan. Naam. Tayyib, autre chose. Cheikh Al-Albani Allahyarhamou a dit, en parlant de ceux qui font le suhoor, yani ils le font tôt, très tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mu'addin qui appellent à la salat très tôt. Subhanallah al-Azim. Il y a certains même qui exagèrent, ils ont inventé une chose. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé quelque chose qui s'appelle imsek. Imsek. Umsik, le verbe umsik, c'est-à-dire je me retiens. Umsik. Donc ils ont inventé quoi? Ils ont inventé quelque chose avant le fajr, ils l'ont appelé imsek. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a dit de manger et boire jusqu'à la levée du fajr. Ceux-là, ils ont dit non. On ne permet pas aux croyants qu'ils boivent et qu'ils mangent jusqu'au fajr. Mais, par prévention, on va lui faire un calendrier, on va mettre l'imsak, c'est-à-dire, on va lui dire 15 minutes ou bien 10 minutes avant le fajr, tu dois t'arrêter de manger. C'est haram si tu manges. Et ils ont fait une innovation, une grande innovation. Laquelle? Car une innovation traîne toujours à une autre innovation. Ils ont fait la deuxième grande innovation de quoi? D'appeler subhanallah al-azim avec le adhan. C'est-à-dire, il fait le adhan pour t'avertir que c'est l'imsak et que tu n'as plus le droit de manger. Subhanallah al-azim, la yikfi nashr al-mubtadi'a. Subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis, il t'a dit mange et bois et touche ta femme, mange et bois et touche ta femme jusqu'à ce que tu entendes, yani jusqu'à ce que rentre le fajr. Et cela 15 minutes avant ou là, il va te faire un adhan qui s'appelle imsak. Les gens quand ils l'entendent, ils disent arrête, classe, c'est l'imsak, il faut se retenir. Subhanallah al-Azim, regardez comment en croyant faire quelque chose de bien, le shaitan les a poussés qu'il y a ni, subhanallah al-Azim, ils font des difficultés aux musulmans. Naam. Ils rétrécissent de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. La rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très grande et vaste, ils veulent la rendre petite. Ils veulent la rendre petite. Attendez une seconde, je cherche quelqu'un pour lui enlever le rouge. Naam. Donc, le adhan qui s'appelle imsak, il faut pas quoi? Il faut pas lui donner d'importance. C'est une bid'a qui a été innovée et inventée. Naam. Pire que cela, le deuxième adhan, c'est-à-dire le vrai adhan, avec lequel on doit s'arrêter. Naam. Vous savez que maintenant il y a deux adhan. Ne parlons pas du troisième que je viens de citer qui s'appelle Imsak. Ne parlons pas de lui. Parlons normalement quand il n'y a pas Ramadan dans tous les pays musulmans. Parce que je sache, il y a deux adhan. Le premier et le deuxième. Qui sont tout à longueur d'année. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier adhan, quand on l'entend, on ne s'arrête pas de manger, ni de boire. On doit s'arrêter avec qui? Quoi? Avec le deuxième adhan. Et maintenant, la plupart des gens, la plupart des mu'adhinines, la plupart des états musulmans qui font le deuxième adhan, ils le font, subhanallah adhim, avant l'heure. Ils le font très tôt avant l'heure. Alors qu'en est-il maintenant s'ils vont nous ajouter l'imsak? L'imsak qui est bien avant qui? Avant quoi? Avant le premier adhan. Moi j'ai dit le premier adhan, on ne s'arrête pas. Celui-là, il se fait un adhan avant le premier, subhanallah al-adhim. Regardez qu'a dit Cheikh al-Albani. وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِنَفْسِ مِرَارًا مِنْ دَارِي فِي جَبَلْ هَمْلًا. Il a dit, et j'ai vu quoi? Il a vu que, yani, il allait de temps en temps voir c'est quand le vrai Fajr, c'est-à-dire le fil blanc du fil noir, le fil blanc du fil noir. Il a dit, c'est ce fil blanc du fil noir, je l'ai vu personnellement de ma maison, sur la montagne de Hamlan, Janoub Sharq, au sud de l'est de Umman, en Jordanie. ومكنني ذلك من التأكد من صحة ما ذكره بعض من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين. Il a dit, et ça m'a permis de quoi? Ça m'a réconforté dans la vie que certains jaloux sur l'islam qui m'ont dit que la plupart des pays arabes font le adhan fajr avant l'heure. Il a dit, subhanallah, quand j'ai vu cela, j'ai vraiment su que il fallait que la plupart des états arabes font le adhan al-fajr, le deuxième adhan, ils le font avant l'heure, ils le font tôt. Bi zamanin yatarawah bayn al-20 wa 30 daqiqa. Tôt, disons d'un temps qui va entre 20 à 30 minutes. C'est-à-dire, il rapproche le adhan de 20 à 30 minutes. C'est-à-dire que normalement, quand le deuxième adhan on l'entend, normalement, tu as encore 20 ou 30 minutes à manger encore. Et tu as 20 ou 30 minutes à attendre encore pour faire la prière sobh. Ça, c'est dans la plupart, si ce n'est pas tous les pays musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق وهم يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة وعلى هذا فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها. Il a dit plusieurs fois, je les entends encore, يعني faire la إقامة de la salat. Levez-vous pour la prière. Alors il a dit que ce n'est même pas le temps. Alors il a dit, donc ceux qui vont faire maintenant الفجر, سنة الفجر, ils vont la faire avant l'heure. Non. Il a dit tout cela pourquoi? Vous savez tout cela pourquoi? Il a dit aussi. وما ذاك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي. Il a dit tout cela, toutes ces fautes, c'est à cause de s'être éloigné de quoi? Du calendrier de la sharia. Calendrier de la sharia, comment connaître salat subh? Tu regardes le fil blanc du fil noir. Et eux ils disent non. On va se baser sur le calendrier de Falaki. Hein? Calendrier, comme on dit, de. Connaissez Ilm al-Falak? Ilm al-Falak, c'est pas comme on dit en français. Hein? Cela, il se base sur le calendrier qui lui-même se base sur les étoiles, etc. Hein? C'est comme maintenant, il va te dire le Ramadan, c'est tel jour. Là, on revient pas en marche arrière. Il a été déjà tracé à cause du calendrier. Ils ont un calendrier, ils voient les étoiles, ils voient je ne sais pas quoi, ils te disent le Ramadan dans 50 ans, il sera le 12 septembre, voilà, il sera le 12 septembre 2000 cadres, subhanallah al-azim. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux et ce n'est pas vrai. La même chose pour la salat. La même chose pour la salat. On doit se baser sur quoi? On doit se baser sur ce que nous a préconisé le Coran et la Sunna. Naam. Sur le soleil, sur la nuit, sur, et non pas sur les minutes. Naam, sur le calendrier. Mais maintenant, bien sûr, il est, vous allez me dire, donc chacun maintenant va monter sur une montagne et va voir, on dit non, c'est pas nous qui devons faire cela, mais c'est le gouverneur qui doit faire cela. C'est le gouverneur qui doit faire venir des gens payés spécialement pour ce travail. Des gens qui savent bien regarder dans le ciel, etc. et nous donner des horaires. C'est pas, donc maintenant moi qu'est-ce que je fais? Au lieu de monter sur la montagne, au lieu de chercher où est la montagne, ou bien de monter sur la tour Eiffel pour voir, que je vais faire, je vais voir le calendrier. Je vais voir le calendrier et lui, le gouverneur, c'est lui qui va être questionné à ma place demain. C'est lui qui va être questionné à ma place demain. Naam. Et l'avantage qu'on a sur le gouverneur, vous savez quel est l'avantage qu'on a sur chaque gouverneur? On a l'avantage que c'est lui qui va être questionné sur nous et non pas nous qui allons être questionnés sur nos gouverneurs. Alhamdoulilah. Le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala ne te questionnera pas sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il questionnera le gouverneur sur nous. Il lui dira, X n'avait pas de maison. Est-ce que tu lui as donné? Tu as donné à tes oncles, etc. Tu n'as pas donné à celui-là. Et comme ça. Donc, nous, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, afana. Et, malgré cela, malgré que le gouverneur ne nous donne pas de maison, ou, pire encore, qu'il nous prenne notre maison, on est de El Sunna Jama, on doit quoi? On doit lui obéir. Naam. On doit lui obéir et se taire. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ce qu'il nous a pris. Naam. On ne fait pas comme les takfiriyin et on va prendre des couteaux et faire un groupe. On va dire, celui-là il nous a pris ceci, cela, donc on va se venger. Ce sont les khawarij, les kharijites et les takfiris qui font cela. Mais les gens du consensus et de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donnez aux gouverneurs leurs droits. Naam, et demandez vos droits à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, donne au gouverneur son droit. Son droit, c'est lui, c'est quoi? C'est de lui obéir. Tant qu'il t'a pas préconisé, il t'a pas ordonné de faire un péché. Tu dois lui obéir. Naam, tu lui obéis. Le prophète alayhi wa sallam a dit, même s'il te prend tes biens et te bat sur ton dos. Hadith dans Muslim. Il a dit, même s'il te prend tes biens, il te confisque ta maison et ta ferme. Naam. Et plus que ça, il va te flageller, il va te frapper sur le dos. Naam. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois patienter et ne pas sortir contre lui. Ne pas te soulever contre lui. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne tes droits. Si Allah Ta'ala ne te les donne pas, ici, demain, Inch'Allah, tu verras qu'est-ce qu'il va te donner pour avoir patienté à cette grande épreuve et avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les takfiriyons ne peuvent pas comprendre une chose pareille. Les takfiriyons, ils sont, disons, ils adorent quoi? Ils adorent la matière. Naam, te dis comment? Il me prend ma villa qui coûte des milliards, il me l'a prise. Comment? Celui-là c'est un musulman, celui-là c'est un croyant. Il l'a prise et il l'a donnée à son fils. Il l'a prise et il l'a donnée à son cousin. Ça c'est un gouverneur, le voleur. Il a pris tout l'argent, il a pris tout l'argent de la banque. Et il a acheté des ranches au Texas. Naam. Il a acheté un gratte-ciel à New York. Celui-là, c'est un musulman? Oui, on dit c'est un musulman. Naam. Il n'a rien fait de coffre. Il a volé, c'est tout. Il a volé. Celui-là, si on pouvait, on lui coupait la main, c'est tout. Il n'est pas devenu kafir. Où est le coffre ici? Où est le coffre? Il n'est pas devenu kafir. Il a fait un grand péché. Mais, je dois toujours lui obéir. Naam. Al-Muhim. Allah yahdina yahdihum jami'an. J'ai dit que... Pardon? Naam, je cherchais ici une chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis déconnecté. Alhamdulillah. Il y a une chose qui est très importante. C'est quoi? C'est quand une personne est à la maison et elle a des doutes. Elle se dit, je ne sais pas si maintenant c'est le fajr, c'est-à-dire ce n'est plus permis de manger et de boire, ou bien ce n'est pas encore le fajr. Qu'est-ce que je fais? Ici les ulama ont dit, tant que tu n'as pas les moyens d'être sûr que c'est le fajr, alors qu'on était la nuit, alors tu as le droit de manger et boire jusqu'à ce que tu sois certain. Naam. Ils ont cité le hadith de qui? Le hadith de Abu Bakr Siddiq. Naam, an Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit: إذا نظر رجلا في الفجر فشك أحدهما فليأكل حتى يتبين لهما. Il a dit: si deux personnes voient comme ça, est-ce que c'est le fajr, c'est pas le fajr, ensuite ils ont des doutes. Il a dit: ils mangent jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que c'est le fajr. Naam. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit: أحل الله الشراب ما شككت. Il a dit: tant que tu doutes, c'est permis de boire. Naam. Bien sûr aussi de manger. Tant que tu doutes. Naam. Et dans un autre hadith, Makhoul radiyallahu ta'ala a dit: j'ai vu Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, il avait pris un seau plein d'eau. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, there is no God but He, the living, the self-sustaining. لا تأخذه سنة ولا نوم. No slumber can seize him nor sleep. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. His are all things in the heavens and on earth. Who can mediate with him except by his permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. He knows whatever was before them and whatever shall come after them, and they do not encompass anything of his knowledge except as he wills. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. His throne extends over the heavens and the earth, and he feels no tiredness in guarding them. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. For he is the high, the supreme. Allah has sent prophets and messengers to speak his words to us, reminding us to worship only him and to show us how to live properly, following his guidance. One day, when he commands, the heavens will split, stars and planets will fall apart, and the world will come to an end. After this, أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.

Vous avez entendu quoi la dernière des choses? Vous avez entendu quoi? La dernière chose que vous avez entendue, c'était quoi? Souleymane, lève la main. Taïb, qu'est-ce que vous avez entendu à la fin? Naam, Qassi Salaf, je te vois, alhamdoulilah. Taïb, qu'est-ce que vous avez entendu à la fin? La dernière chose que j'ai dit, c'était quoi? Pour ceux qui ne se rappellent pas, donc je vais revenir un peu la personne qui a débuté sur le fait. Vous m'avez pas entendu, Omhadjar, vous m'avez pas entendu parler de. Vous m'avez pas entendu parler de quand. Vous m'avez pas entendu parler quand je disais que lorsqu'on entend l'appel à la prière, l'appel du Salat al-Fajr, et qu'on est en train de manger, on doit continuer à manger. Vous avez entendu cette chose? Donc j'étais... Oui, alhamdoulilah. Donc je disais, si jamais on entend l'appel au Adhan, et qu'on est en train de manger ou de boire, on n'arrête pas. Mais on continue à boire et à manger, naam, si toutefois, on était déjà en train de manger ou de boire, naam. Mais celui qui n'a pas déjà commencé à boire ou à manger, il ne lui est pas permis. Parce que la permission ici, c'est pour celui qui a commencé, c'est celui qui était déjà en train de boire et de manger, et il a entendu l'appel, naam. Ce n'est pas pour celui qui n'a pas commencé à manger, à boire. Sauf si c'est dans le cas, bien sûr, où on est sûr que ils viennent de faire le adhan une demi-heure à l'avance ou la 20 minutes. Là, c'est pas de problème. Mais si on était au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on faisait l'appel vraiment à son heure, si maintenant on entend l'appel, celui qui est déjà en train de manger a quelque chose devant lui, il a quelque chose dans sa bouche, il termine à manger, il termine du récipient. Mais celui qui n'a pas commencé, il n'a pas le droit de commencer, car c'est la permission premièrement du hadith, qui est dans le hadith, c'est pour celui qui est déjà en train de manger, et deuxièmement, car quand on est en train de manger, c'est difficile de s'arrêter en plein milieu, naam, mais ce n'est pas difficile pour l'autre qui n'a pas commencé, il n'a pas goûté, ce n'est pas difficile pour lui. Mais nous, on est déjà en train de manger, c'est difficile de s'arrêter en plein milieu. Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est difficile, c'est pourquoi bi'idhnillah ta'ala il a donné cette permission. Et j'ai dit que c'est un peu comme celui qui urine, c'est difficile, surtout si c'est un homme, qu'il s'arrête en plein milieu, naam. Mais si maintenant il n'a pas encore uriné, il peut se retenir, mais maintenant s'il commence, c'est un peu difficile qu'il s'arrête en plein milieu. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, il y a quelqu'un qui est venu, qui ne savait pas, et qui a commencé à uriner en pleine mosquée. Et lorsque les sahaba, radiyallahu ta'ala, ont voulu l'arrêter, le prophète, alayhi sallam, a dit, « Da'ouh yutim bawla ». Il a dit, « Da'ouh yutim bawla ». Ne le coupez pas, laissez-le terminer son urine. Certains savants ont dit, l'une des causes qui a poussé le prophète, alayhi sallam, à dire cette chose, c'est qu'il sait que c'est difficile pour lui de s'arrêter en plein milieu. Le muhim. Et il est de la sunna de retarder le secours jusqu'à la fin. Naam, jusqu'à la fin. Et une fois, on a demandé à Anas radiallahu ta'ala anhu, naam, on a demandé à Anas, parce qu'Anas, il a dit que Zayd ibn Thabit leur a dit que, quoi, qu'ils avaient fait le secours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il est parti à la salat. Alors on a demandé à Zayd, on lui a dit, combien de temps y a-t-il eu entre l'iqama, entre la salat qui khlas, vous alliez commencer la prière, et entre le sohur, combien qu'il y a eu de temps? Il a dit, qadra khamsina aya, le temps qu'on lise 50 versets. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le sohur, manger le sohur, quand est-ce vraiment, vraiment vers la fin, très près de la salat. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé le sohur, a terminé de manger, tu as seulement le temps de lire 50 versets et c'est la salat. 50 versets, ça se lit en combien de temps? En 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et c'est la salat. Tayyib, on va terminer avec une chose, laquelle? Hein? Si quelqu'un ne sait pas, non, je crois qu'on l'a dit, si quelqu'un ne sait pas, ou bien a des doutes, celui-là il mange, il boit, jusqu'à ce qu'il soit certain. Cela ne veut pas dire que il va dire je vais pas voir l'heure, ni demander est-ce que c'est le fajr ou là, il va dire je doute là je mange. Non. C'est-à-dire quand il essaye, et il ne peut pas arriver à une décision finale. Non. Il n'a aucune preuve. Il reste avec la base qu'on est toujours la nuit, manger il boit et il boit. Non. Il faudrait savoir aussi que si quelqu'un on le force à manger, non, quelqu'un on le force à manger, par exemple on lui ouvre sa bouche, on lui met à l'intérieur de l'eau et du manger, celui-là, il est toujours dans le sien. Non, celui-là, on ne peut pas lui annuler son sien. Parce que c'est pas moi qui ai voulu manger ni boire, mais on m'a forcé. La même chose pour celui qui oublie. Celui qui oublie de manger et de boire, celui-là, il n'a pas annulé son siyam. La même chose pour la femme, si son mari, par exemple, la force à ce qu'elle fasse le rapport. C'est son mari, la force à ce qu'elle fasse le rapport, celle-là, son jeûne n'est pas annulé. Elle termine, et c'est lui qui a les péchés. Quand je dis il la force, ce n'est pas il la force, seulement en parlant. En disant, si tu fais pas cette chose, je te frappe. Il la force, yani, vraiment, elle a peur, il a peut-être pris une barre de fer, ou peut-être il lui a mis un couteau sur la gorge, ou bien un revolver sur la tempe. Elle sait vraiment que si elle va pas faire cette chose, elle risque de mourir, ou là. Ça, c'est vraiment l'avoir forcé. Mais ce n'est pas, il dit seulement quelques mots, elle dit là, d'accord. Car c'est vraiment un grand péché de faire cette chose pendant la journée du Ramadan. C'est pour ça que ça me rappelle déjà une chose, ça me rappelle une fatwa que j'ai lue une fois dans le Majmou' al-Fatawa de Cheikh Islam rahimahullah, où on a posé la question à l'imam Ahmed rahimahullah. On lui a posé cette question: une femme, son mari la force à ce qu'il fasse le rapport avec elle pendant les menstrues, qu'est-ce qu'elle fait? Il lui dit ou bien tu fais cette chose ou bien je te divorce. Subhanallah, ou bien je fais cette chose ou bien je te divorce. Qu'a répondu l'imam Ahmed rahimahullah? Regardez les ulama, subhanallah, comment qu'ils trouvent la réponse. Subhanallah, une chose qui ne passe pas par la tête. Regardez qu'a dit le alim. Il a dit, elle divorce parce que divorcer c'est halal et faire cette chose pendant les menstrues c'est haram. Et elle n'a pas à le faire le haram. Non, elle divorce, divorcer c'est halal. Allah Ta'ala a dit, s'il veut le talaq, je suis là, j'entends. Non. Mais faire cette chose pendant les menstrues, c'est un grand péché. C'est pas un péché, c'est un grand péché. Donc, regardez, ici la même chose, la femme, s'il lui dit je te divorce, normalement elle accepte le divorce que de faire le haram en plein jour et la kafara qui va, subhanallah al-adim, qui va aller à quoi? À 2 mois consécutifs. Non. Mais maintenant, elle peut, j'ai lu une fois une fatwa des grands ulama, si vraiment yani, elle a peur du divorce à cause de, elle a des enfants, elle n'a pas où aller, elle est vraiment forcée, là, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Taïb, on va terminer, je crois que je m'arrête là, bi'idna subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik, shahadu illa ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu ilayk. On reprend, inshallah ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure. هاجر ميلو لو كورون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.